Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, je vous emmène à l'interface entre art et science en vous présentant le parcours et le travail fort peu radiophonique d'artistes naturalistes. J'ai ensuite la chance de recevoir Julien Perrault, naturaliste poète, créateur et directeur de La Salamandre, une revue naturaliste née en Suisse qui fête cette année ses 40 ans d'existence et qui a donné naissance à de nombreux petits. Bonjour Julien et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Vous l'aurez sans doute compris, j'adore déambuler dans les allées des musées d'histoire naturelle. Outre observer des reliques anciennes mises sous cloche, je trouve touchant de découvrir au fil des herbiers et des spécimens naturalisés la vie de passionnés qui ont parfois consacré leur existence entière à mieux comprendre le vivant qui nous entoure. J'ai un goût encore plus prononcé pour les artistes qui se joignaient souvent aux expéditions naturalistes pour figer sur le papier les animaux et les plantes des quatre coins du monde. Certains faisaient même les deux. Un bon observateur devient souvent dessinateur. Et si aucune fleur séchée, aucune dépouille ne pourra jamais exhiber fidèlement la couleur qu'elles arboraient de leur vivant, ce sont bien leurs reproductions peintes qui ont apporté ces savoirs naturalistes inestimables au plus grand nombre. À l'époque où les sciences naturelles sont devenues tendance, les femmes n'étaient pas autorisées à aller à l'université. Nombreuses sont celles qui ont pu assouvir leur attrait pour les sciences en devenant illustratrices naturalistes. Faire des jolis dessins, c'était ok. Ça faisait après tout partie des compétences que l'on encourageait chez les jeunes filles pour divertir ou embellir l'intérieur, au même titre que la couture ou la musique. Je vous ai déjà présenté plusieurs de ces savantes observatrices dans des chroniques passées. Maria Sibylla Merian et ses insectes, Béatrix Potter et ses champignons, la collection perdue de Jeanne Villepreux-Power dont il ne subsiste qu'un unique argonaute à l'aquarelle, ou encore Johan Beauchamp Proctor, spécialiste des reptiles, qui a dessiné des crapauds pour des cartes postales du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Évidemment, si ces noms ne vous disent rien aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un revers à la médaille. Bien souvent sous-payés, quand elles l'étaient, le mérite et la maternité de leurs illustrations leur étaient rarement attribués. L'une des configurations les plus classiques était qu'elles se retrouvaient mariées à des jeunes scientifiques prometteurs qui remarquaient leur talent. Elles illustraient alors les écrits prestigieux de leur fameux époux et restaient, bien sagement, dans leur ombre. Devinez quel nom l'histoire a retenu ? L'un des exemples les plus notables est sans doute celui de la Britannique Elizabeth Coxon, née en 1804, qui épousa John Gould, célèbre ornithologue anglais notamment connu pour ses descriptions d'oiseaux et de mammifères australiens, alors inconnus en Europe. Elizabeth illustrera les livres de son cher et tendre et apprendra même la lithographie par elle-même, une méthode d'impression sur plaque moins onéreuse pour l'apparition des ouvrages, tout en étant enceinte, bien sûr. Cela fera un peu râler son petit mari, car indisposé par sa condition, son épouse produit moins qu'il ne l'aurait souhaité. Évidemment, le brillant naturaliste ne payera jamais son épouse, une femme rémunérée pour son travail, shocking! Et il l'emmènera avec lui en Australie, la forçant à laisser 3 de leurs 4 enfants en Angleterre au bon soin de ses parents. Elle ne les verra pas pendant 2 ans, et sa correspondance avec sa mère révèle qu'elle culpabilisait beaucoup. Mais pas le temps de rechigner, elle produira plus de 650 planches pour illustrer les différents ouvrages de son mari, avant de mourir prématurément à 37 ans, quelques jours après l'accouchement prématuré de son dernier enfant. Elle aura été enceinte plus de 8 fois. S'il semble évident que les époux partageaient la même passion pour le dessin et les sciences naturelles et qu'ils s'aimaient sincèrement, il est tout de même fâcheux que John soit considéré comme un entrepreneur à succès, inventif, et le père de l'ornithologie australienne, alors qu'Elizabeth, rarement créditée malgré son immense productivité, sombre dans l'oubli. Mais revenons à notre musée d'histoire naturelle, celui de Londres, justement, où je vous ai déjà emmené. Suivez-moi. Au fond du hall principal se dresse, au milieu de l'escalier, la statue de Darwin, assis paisiblement sur son siège. Et à sa droite, le portrait de Wallace, co-découvreur de la théorie de l'évolution avec lui, qui veille sur son trône. En empruntant la branche gauche de l'escalier et en allant explorer l'une des petites pièces cachées dans les étages, vous tomberez comme moi dans une salle discrète, plongée dans la pénombre et où les hautes fenêtres sont ornées de vitraux végétaux. Y sont exposés dans les vitrines les trésors du musée. Des pièces extraordinaires qui sont rentrées dans l'histoire des sciences naturelles. Des papillons ramenés par Wallace lui-même, un œuf de manchot empereur rapporté par Robert Falcon Scott lors de sa dernière expédition en Antarctique, et une dent fossile d'un éléphant nain, découverte à Chypre par l'intrépide Dorothea Bate. Payée chichement au nombre d'artefacts collectés pour le musée dès ses 19 ans, elle sera officiellement employée par celui-ci à l'âge de 70 ans. Mais les pièces qui ont le plus attiré mon regard ne sont aucune de ces prestigieuses trouvailles, non. Ce sont quelques fragiles sculptures d'une finesse exceptionnelle présentées dans la vitrine la plus proche de l'entrée. La première pièce est une boule creuse, ornée de trous réguliers sur toute sa surface et hérissée de longues pointes extrêmement fines. C'est un radiolaire, un organisme marin unicellulaire uniquement visible au microscope, agrandi ici pour faire la taille de mon poing. Outre la beauté de l'objet, on ne peut qu'être fasciné par le défi technique qu'il représente. Il est entièrement façonné en verre. À côté figure un autre organisme marin étrange, doté de plusieurs clochettes pâles, comme celle du muguet, qui trône tout en haut, et sous une corolle retournée, des tentacules surgissent en tous sens, rose, blanc, bleu et transparent. On pourrait l'imaginer bouger. Chaque tentacule est souple, délicat et semble flotter et ondoyer, comme si l'animal était vivant. Le dernier modèle exposé représente une petite pieuvre qui semble plus vraie que nature. L'œil brillant, les ventouses des tentacules et la coloration de sa peau, à la fois vibrante et translucide, a su saisir la vie de l'animal tel qu'on pourrait le voir dans les profondeurs. Ces trois pièces sont l'œuvre d'un duo, fameux en son temps, dont on ne parle que trop peu. Les artisans derrière ces délicats trésors sont les Blashka. Je vous invite à nourrir votre imagination de belles images en tapant leur nom dans un moteur de recherche. B-L-A-S-C-H-K-A. Léopold Blažka, le père, est né dans le nord de la Bohême, dans l'actuelle République tchèque, en 1822, dans une famille qui travaillait le métal, les pierres précieuses et surtout, le verre. Il rejoint l'entreprise familiale et travaille notamment la production d'ornements, mais aussi d'yeux en verre pour les prothèses humaines et les taxidermistes. Il excelle dans son métier et développe des techniques qui lui permettent de réaliser des travaux extrêmement détaillés, notamment en soufflant le verre. Amoureux du monde vivant, il prend plaisir à observer ce qui l'entoure et dessine plantes et animaux dans ses carnets. Malheureusement, en 1850, alors qu'il n'a que 28 ans, il perd sa femme Caroline et son petit garçon Joseph du choléra. Son père décède l'année suivante, ce qui le laisse, vous l'imaginez, totalement dévasté. Il se console tant bien que mal en dessinant les plantes qui entourent sa maison. En 1853, Léopold endeuillé traverse l'océan Atlantique pour un voyage aux États-Unis. Près des Açores, le bateau est immobilisé pendant 2 semaines. Lors de cet arrêt forcé, le jeune homme est fasciné par les méduses et les animaux marins qu'il y voit. Leur transparence, leurs mouvements gracieux, leurs couleurs lui donnent l'envie de les recréer en verre. Mais en revenant chez lui, c'est au règne végétal que Léopold s'attaque au départ, juste par amusement. Il crée dès la fin des années 1850 plusieurs modèles de fleurs en verre, ce qui arrive aux oreilles du prince Camille de Rohan, lui-même amoureux des plantes et des jardins. Il lui passe commande et finit par exhiber fièrement, quelques années plus tard, près de 100 modèles d'orchidées et de plantes exotiques aux couleurs et aux formes qui copient fidèlement la réalité. Cette première incursion naturaliste auprès du prince lui ouvre les portes des musées d'histoire naturelle et des universités, qui cherchent des modèles qui imitent le vivant à présenter à leurs étudiants. Même si des images ou quelques modèles en cire existent, ils n'ont pas la précision des créations de Léopold. Le professeur Ludwig Reichenbach, directeur du jardin botanique et du musée d'histoire naturelle de Dresde, en Allemagne, lui passe commande. Léopold s'y installe avec sa nouvelle épouse et leur fils unique, Rudolf. Après les plantes, le professeur Reichenbach lui passe commande d'anémones et d'autres créatures marines. Celles-ci tapent dans l'œil d'autres directeurs de muséum. Sa réputation est faite et on se l'arrache. À 41 ans, il arrête toute autre activité et se consacre entièrement à ses modèles en verre. Il échange avec plusieurs scientifiques en vue de l'époque, notamment Ernst Haeckel, qui est connu pour ses planches d'illustrations scientifiques, les formes artistiques de la nature, superbement agencées en une symétrie parfaite. Pour rendre ses modèles les plus fidèles possibles à la réalité, Léopold achète des animaux conservés dans l'alcool ou le formol. Mais malheureusement, il se heurte précisément aux problèmes qui poussent les universités et les musées à faire appel à lui. Conservés ainsi, les spécimens perdent rapidement leur belle couleur. Il investit alors dans des aquariums pour héberger et observer ses modèles vivants. Il fait notamment venir des anémones et des mollusques d'Italie, mais aussi de la mer Baltique et de la mer du Nord. À l'époque, les aquariums sont en plein boom. D'ailleurs, le premier aquarium ouvert au public est celui de la Zoological Society de Londres en 1853. En 1876, alors qu'il a 54 ans, Léopold est rejoint par son fils Rudolf. Et les Blaschka continuent leurs ouvrages pendant que les musées et les universités du monde entier continuent de les solliciter. Ils créent même des catalogues qui recensent leurs modèles existants pour faciliter les commandes. On achète leurs pièces en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Inde, aux États-Unis. Ils dessinent des milliers d'aquarelles pour croquer leurs modèles et poussent toujours plus loin le souci du détail. Ils affinent leur construction avec du verre transparent ou coloré, parfois même du fil, pour donner une forme précise à leur création. Rudolf pousse l'exactitude plus loin et se rend en mer Adriatique pour observer les animaux dans leur milieu. Il fera aussi des voyages pour documenter les plantes exotiques qu'on leur demandera de façonner. Et tous deux travaillent à un rythme démentiel. En 1876, le musée de South Kensington de Londres, qui deviendra l'actuel muséum d'histoire naturelle, leur commande 784 modèles. L'université de Cornell, non loin de New York, 600 modèles. Le musée d'histoire naturelle de Dublin, 530, à livrer entre 1878 et 1886, pendant que l'université d'Harvard en réclame 350 et le musée de sciences de Boston, 311. En 1888, le catalogue des Blaschka comporte 700 modèles différents. À cette période, le père et le fils signent un contrat d'exclusivité de 10 ans avec l'université américaine d'Harvard et façonnent des milliers de fleurs en verre. À eux deux, ils façonnent un jardin botanique éternel, mais sont contraints de délaisser les créatures marines. En 1895, alors que Rudolf fait un deuxième voyage aux États-Unis pour se documenter sur les plantes qu'ils doivent préparer pour Harvard, Léopold décède. Rudolf continue alors sa titanesque entreprise tout seul. Mais pour satisfaire son exigence, il se met à fabriquer son propre verre et ses poudres colorées pour peindre. Même s'il avance plus lentement qu'avec son père, Rudolf continue de fabriquer des fleurs minutieusement pour l'université d'Harvard jusqu'en 1938, alors qu'il est âgé de 80 ans. Dans toute leur carrière, on estime que les Blaschka ont réalisé près de 4400 modèles de fleurs en verre pour Harvard uniquement et près de 10 000 animaux marins pour tous leurs autres commanditaires. Si leurs créations ont parfois traversé les années au prix d'égratignures et de fractures multiples, elles ont continué de subjuguer tous ceux qui ont eu la chance de les contempler. Mais si ces pièces sublimes conservent aujourd'hui tout leur attrait et continuent de fasciner les scientifiques, c'est aussi qu'elles sont uniques et gardent tout leur mystère. Rudolf, décédé sans enfant, il n'y a pas eu de continuité après lui. Et comme le père et le fils travaillaient seuls, sans apprenti, leurs secrets de fabrication méticuleux ont disparu avec eux. Aujourd'hui, même les plus habiles maîtres verriers sont incapables de recréer des modèles aussi délicats que ceux des Blaschka. Avec leur bestiaire et leur jardin de verre, les Blaschka père et fils ont repoussé les limites de l'art humain pour sublimer le vivant. Leur souci du détail et la délicate construction de leurs modèles nous rappellent durement que le monde qui nous entoure est tout aussi fugace et précieux. Attention, fragile. Et nous revoici avec notre invité, Julien Perrault, naturaliste poète, créateur et directeur de La Salamandre, une revue naturaliste née en Suisse qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Alors du coup, l'aventure de La Salamandre, ça y est, ça a commencé il y a 40 ans, en 1983, dans votre chambre d'écolier alors que vous n'aviez que 11 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à créer cette revue sur la faune et la flore qui nous entoure, et pourquoi le choix de ce format ? Alors j'avais la chance d'habiter à la campagne et j'aimais bien aller me promener dans la nature autour de chez moi et puis très vite j'ai été frappé par la beauté des oiseaux, des arbres, des fleurs, des insectes. Donc ça m'a passionné, comme ça passionne beaucoup d'enfants quand même. Et puis en même temps j'ai très vite aussi perçu que cette nature était détruite autour de moi, qu'on asséchait des mares, qu'on arrachait des vieux vergers, qu'on mettait des parkings et des centres commerciaux à la place de belles vieilles forêts. Donc ça m'a beaucoup attristé et j'ai eu envie de faire quelque chose de positif à ma petite échelle d'écolier de 11 ans pour essayer de reconnecter les gens que je connaissais à la nature. Donc je me suis dit, j'ai créé un petit journal. Et c'est parti comme ça, très très naturellement. Donc c'était une douzaine de pages. J'ai pris une vieille machine à écrire que j'ai empruntée à ma grand-maman. J'ai commencé à écrire des articles avec deux doigts, bourrés de fautes d'orthographe, du dessin, photocopié, puis vendu à l'école, quoi. Donc c'est parti comme ça. Et puis alors le titre, La Salamandre, ben ça vient d'une rencontre singulière que j'ai faite en automne avec cet animal. Je me baladais en forêt de nuit avec mes bottes en plastique, mon imperméable, ma petite lampe de poche, et puis j'étais un peu en pleine exploration comme ça. Et puis j'ai vu évidemment ce qu'on voit beaucoup quand on se promène en forêt la nuit sous la pluie, des limaces, des escargots, un crapaud, une grenouille, je ne sais plus très bien. Et puis tout à coup, derrière une belle souche moussue, j'ai aperçu un truc incroyable, noir et jaune, comme un petit dinosaure miniature en plastique. Sauf qu'il n'était pas en plastique parce qu'il bougeait lentement. Et j'étais complètement sidéré par cette rencontre, par cet animal étonnant, tellement spectaculaire, là, au milieu des feuilles mortes et des mousses, que voilà, ça m'a marqué. Et du coup, je suis retourné régulièrement dans cette forêt. Et quelques temps plus tard, au printemps, j'ai trouvé une salamandre, une femelle qui avait un gros ventre. Et comme j'avais lu dans un livre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Wikipédia ni la salamandre, comme j'avais lu que les mamans salamandres mettaient au monde leurs petits dans l'eau, j'ai pris cette tête pendant quelques jours dans ma chambre, dans un terrarium. J'avais toutes sortes de choses dans ma chambre. Et puis j'ai mis dans un coin du terrarium un petit récipient avec de l'eau. Et un matin, à l'heure de partir à l'école, j'ai juste collé mon nez contre la vitre pour voir ce qui se passait. Et pouf, j'ai vu la maman salamandre qui était au-dessus de l'eau et qui mettait au monde une dizaine de petites larves, de petits bébés. Donc ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment le grand miracle de la vie qui débarquait dans ma chambre. Et d'ailleurs, ce jour-là, je suis arrivé un peu en retard à l'école. Et ouais, j'ai vécu vraiment une grande émotion que j'ai revécue bien plus tard, encore différemment évidemment, en voyant naître successivement mes trois enfants. Donc vraiment ce miracle de la vie. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, ce petit journal que j'ai envie de créer, il va s'appeler La Salamandre, évidemment. Du coup, votre idée première, c'était quand même de sensibiliser, de montrer la beauté du monde qui nous entoure aux enfants de votre âge, mais aussi aux adultes. Dès le début, c'était ça, c'était de sensibiliser. Voilà, exactement, de manière positive. Et puis vraiment, en présentant la nature qui nous entoure, donc c'est pas l'idée de faire découvrir aux gens les éléphants, les baleines, ou les ours blancs, ou je sais pas quoi, même si c'est en soi très intéressant, mais j'avais vraiment envie de présenter la nature ordinaire, qui est justement tellement extraordinaire, et qu'on peut observer sur le pas de sa porte. Qu'on oublie souvent qu'elle est pourtant juste là. Et cette passion que vous avez eue tout jeune, est-ce que ça a été initié par votre famille, par exemple? D'où ça vous vient? Est-ce que quelqu'un vous a accompagné sur ce chemin-là, ou ça vous est venu comme ça tout seul? Alors j'ai eu un grand-papa qui était naturaliste, qui était passionné, qui était biologiste, mais que j'ai pas connu. Il est décédé 3 ans avant ma naissance d'un cancer. Mais peut-être que du coup, il y a quelque chose qui a passé dans les gènes, dans l'ADN. Et puis autrement, à l'âge de 10 ans, j'ai eu un instinct qui était super chouette et qui nous a emmené beaucoup dehors, observer les hirondelles, apprendre les noms des petites fleurs, les noms des sentiers du village où j'étais à l'école cette année-là. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et voilà, après, mes parents, ils n'étaient pas forcément à fond dans ce sujet-là, mais disons, ils ont respecté ce que je faisais, ils m'ont laissé de l'espace, puis petit à petit, développé mon projet avec leur soutien. Ils vous ont toujours soutenu, même si vous étiez vraiment à fond sur ce projet-là, ce qui pouvait peut-être paraître surprenant pour un petit garçon de 11 ans, mais ils ont accepté en tout cas. Oui, alors après, ouais, ça prenait un peu de place. Ça prenait un petit peu de place dans ma chambre à coucher, justement les terrariums, les aquariums, les collections de plumes, les fossiles, les machins, c'est un véritable musée, en fait, un micro-musée de sciences naturelles. Et puis dans mon temps, il fallait m'emmener, quand il y avait des grenouilles qui pondaient, je voulais aller voir les grenouilles qui pondaient, donc il fallait m'emmener voir les grenouilles qui pondaient, quoi. Donc j'étais pas mal véhiculé, en particulier par ma maman, et puis voilà, mais c'était chouette, on a vécu des histoires assez mémorables ensemble. Et puis en fait, ce qui s'est passé au bout d'une année, c'est qu'il y avait à l'époque, donc je viens de Suisse, j'ai grandi au bord du lac Léman, donc en face de la Haute-Savoie, et à l'époque, il y avait en Suisse romande une émission de télévision sur la nature qui passait tous les dimanches en fin d'après-midi avec un présentateur qui était un peu notre petit Alain Bourgrin-Dubourg, local. Et moi, je regardais toujours cette émission de télé avec passion. Puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit à ce monsieur, en lui disant, lui expliquant que j'avais une chambre, qu'il y a un musée de sciences naturelles, et puis que je faisais un petit journal, et puis, etc. Et ce qui est super, c'est que ça l'a vraiment intrigué, et que quelques semaines plus tard, il a débarqué à la maison avec une équipe de télévision. Voilà, du coup, j'ai fait ma première émission de télévision à 12 ans. Et comme évidemment, c'était assez spectaculaire, un petit jeune, un petit gars qui fait un petit journal, etc., ça a suscité beaucoup d'intérêt et ça a été le début, en fait, d'une assez forte médiatisation de mon histoire en Suisse. Parce que je suis devenu un peu le plus jeune, j'ai été nommé, il y a eu plein de qualificatifs, on m'a traité de plus jeune rédacteur en chef de Suisse romande, de Mozart naturaliste, enfin il y a eu plein de qualificatifs très élogieux. Mais du coup, ça fait que j'ai commencé à enchaîner les plateaux télé, les émissions radio, et puis comme ça, je me suis fait connaître, et comme ça, la Salamandre a élargi son public, et je me suis retrouvé à avoir assez vite plusieurs centaines d'abonnés. Donc, c'était plus question que j'arrête, parce que j'avais des abonnés qui s'engageaient pour une année, donc il fallait que ça continue. Et justement, c'était une de mes questions, parce que j'ai regardé plusieurs de ces extraits où on vous voit tout jeune sur les plateaux télévision. Moi, déjà, je suis très impressionnée, parce que c'est vrai que c'est quand même toute une machinerie, hein, la télé, la radio, c'est impressionnant. Vous avez quand même une élocution, et enfin, votre propos il est très clair. Moi, je trouve ça déjà assez dingue. Et je me demandais si on vous a pris rapidement au sérieux, puisque justement, vous étiez tout jeune. Est-ce qu'au départ, c'était juste que vous étiez un peu une curiosité, ou est-ce que quand même, rapidement, vous êtes rendu compte que les adultes en face de vous, ils se rendaient compte que votre projet, en fait, il tenait la route? Oui, alors je pense que par rapport à la prise de sérieux, il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect sérieux du projet, puis il y a le sérieux du message. Donc le sérieux du projet, je pense qu'assez vite, ils ont été, les adultes ont été un peu contraints de se faire à l'idée que c'était sérieux, comme ça ne s'arrêtait pas. Donc c'est vrai que j'ai vraiment tenu le rythme. À l'époque, la Salamandre était un petit journal qui paraissait tous les mois. Et j'ai tenu le rythme mensuel pendant à peu près 10 ans quand même. Et puis après, quand j'ai commencé les études de biologie, j'ai passé un rythme bimestriel, donc tous les deux mois, avec un format plus épais, parce que ça devenait un peu compliqué avec les examens, les sessions de terrain, etc. etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais arrêté. Donc oui, à un moment donné, bah, forcément, ça a été pris un peu au sérieux, comme ça ne s'arrêtait pas. Et puis sur le fond du message, voilà, dans les années 1980-1990, malheureusement, la protection de la biodiversité n'avait pas l'écho qu'elle a aujourd'hui, la légitimité, je dirais, qu'elle a aujourd'hui. Donc, je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. À cette époque-là, les gens qui s'intéressaient aux papillons et aux petits oiseaux, voilà, on trouvait ça très pittoresque. Et puis, on avait, voilà, il y avait une attitude, je pense, un petit peu condescendante pour quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose, voilà, qui forcément, ça intéresse les enfants. Mais bon, après, on devient adulte et on passe aux choses sérieuses. Ce qui, évidemment, m'exaspère toujours. Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des sujets qui sont maintenant vraiment d'actualité, malheureusement, parce qu'il y a une urgence qui est extrêmement forte, qui s'est beaucoup développée. Au moins, je dirais la consolation à l'urgence du drame qu'on est en train de vivre, de l'effondrement de la biodiversité, c'est qu'on est pris au sérieux aujourd'hui. Malheureusement, pas jusque dans les hautes sphères politiques, mais au moins par les gens. Et justement, donc vous le dites, vous êtes parti faire des études de biologie, donc aussi bien faune et flore. Qu'est-ce que vous avez étudié de beau? Oui, alors j'ai fait ça s'appelle encore comme ça, mais ça correspond à un master en formation qui s'appelait écologie et systématique, donc une formation très générale où je me suis vraiment intéressé à tout. Après, j'ai fait un travail de recherche plutôt en botanique. J'ai étudié l'impact d'un arbre qui avait été introduit, le pin noir, qui est un arbre qui a été aussi très largement planté en France, dans des endroits un peu secs pour produire du bois, mais un arbre qui ne fait pas du tout partie de l'écosystème local. Et puis, je me suis intéressé à voir un petit peu quelle était l'influence de cet arbre sur les sols et sur la végétation. Et puis, en faisant ça, je me suis rendu compte que vraiment, je n'étais pas un scientifique très, très performant. Donc, il fallait effectivement, que c'était vraiment une bonne idée que je continue mon projet de la Salamandre. Il s'était développé entre-temps. Quand j'ai fini mes études, j'avais déjà, je crois, 5 ou 6 000 abonnés quand même. Et puis voilà, j'ai fait le saut à ce moment-là, c'était en 97. Je me suis dit, ça va devenir mon métier. Et assez vite, j'ai engagé une, puis deux collègues. Et puis, on s'est retrouvé une petite équipe. Voilà, ça a poursuivi comme ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est chouette. On a un magazine nature plutôt bon pour les adultes, parce que j'avais grandi entre-temps. Donc, je dirais que ça a été le début de toute une phase de diversification. Parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre ce message d'amour et de respect pour la nature au plus large public possible. Et peu importe finalement le vecteur, le média qu'on utilise. Donc d'abord, on a créé une deuxième revue pour les enfants, qu'on a appelée La Petite Salamandre, qui est un peu le magazine que j'aurais rêvé d'avoir quand j'avais 7-8 ans. Et puis après, on a commencé à produire des documentaires animaliers. Quelques années plus tard, on a créé un festival nature en Suisse, qui s'appelle évidemment le Festival Salamandre, qui est vraiment une grande et belle manifestation qui a lieu. Là, ce sera la 21e édition, et il y a chaque année plus de 10 000 visiteurs, donc c'est une belle fête sur 3 jours en automne. Et puis voilà, et puis après, on a commencé à faire des livres aussi, différentes collections de livres, soit des guides pratiques de terrain, soit plutôt des bons livres photos, soit des essais, toujours sur le thème donc, du monde vivant qui nous entoure. Et en parallèle à ça, l'équipe petit à petit s'est étoffée. Et puis on a aussi, élargi notre terrain de jeu, c'est-à-dire que toute cette histoire, elle a commencé donc, en Suisse romande, comme j'ai dit. Et puis à partir de 2001, 2002, 2003, on s'est vraiment activé aussi pour faire connaître ce qu'on faisait en France. Et en fait, aujourd'hui, en 2023, la Salamandre est vraiment... Donc, on est devenu une organisation donc à but non lucratif, indépendante. Et on est une équipe de 26 personnes. Entre la Suisse et la France, il y a des bureaux à Neuchâtel en Suisse, il y a des bureaux à Toulouse en France. Et on est vraiment actifs sur les deux pays. Et on a même aujourd'hui beaucoup plus d'abonnés et on vend beaucoup plus de livres en France qu'en Suisse. Alors justement, c'était ma question suivante. Vous avez ce large panel en plus des revues. Vous avez même lancé la Salamandre TV, une plateforme en ligne de vidéos qui met en avant des documentaires animaliers locaux et éthiques. Vous avez même des contenus pour les enseignants. Enfin, il y a énormément de choses. La grande question, c'est comment est-ce que vous faites pour tenir le rythme? Parce qu'il y a aussi la Minute Nature, toutes les semaines sur YouTube. Et est-ce que tous ces projets passent forcément par vous? Du tout. du tout. Non, alors moi je dirais que j'ai jamais, si vous voulez, ça m'a jamais intéressé. Alors déjà, c'est important de dire, c'est que Salamandre, donc on est à but non lucratif, donc le but c'est pas de faire des tas de sous. Hein. On est vraiment toute une équipe fédérée autour d'un but qui est vraiment de faire aimer, de faire respecter la nature. Pour nous, c'est vraiment ça qui compte. Donc à but non lucratif. Et puis par ailleurs, même si je me suis retrouvé être un peu entrepreneur par la force des choses. Ça m'a jamais intéressé d'être le patron, le chef, haut d'une pyramide, et puis de donner des ordres à tout le monde. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que l'équipe s'élargissait, moi, j'étais pas très à l'aise avec cette posture, et du coup, je pense que j'ai aussi pas toujours très bien porté ce rôle, qui m'est un peu tombé dessus, et que voilà, ça a aussi provoqué des dysfonctionnements, des difficultés dans l'équipe. Et finalement, je suis très content que. En 2017, on a fait le pas, on a mis en place un mode de gouvernance partagée sur le modèle de Holacracy, donc il y a un modèle de gouvernance qui vient d'Amérique, qui est très très intéressant, et avec le principe qu'il n'y a pas des gens qui décident et des gens qui font, mais que justement l'autorité elle est partagée entre tous les membres de l'organisation, et que du coup chacun porte un bout, et ça c'est hyper intéressant. Donc du coup, vous mentionniez au début, vous m'avez présenté comme directeur, alors oui, c'est un titre que je porte pour l'extérieur, mais en fait, je suis plus du tout directeur de la Salamandre depuis 97. Je suis, comme mes collègues, membre de plusieurs cercles, j'ai des rôles, et puis voilà, et il y a plein de choses, par conséquent, pour vous donner l'exemple des livres, on édite quand même une quinzaine de livres par année. Souvent, je découvre les projets, en fait, quand ils arrivent, quand à coup, je vois un bouquin qui arrive, je dis « Ah, trop bien, ils ont fait ça, génial !» Alors je vais féliciter mes collègues. Mais ils m'ont pas demandé si c'était de bonne idée de faire ce livre, quelle image on allait mettre sur la couve, quel prix on allait le vendre, etc., etc. Chaque pôle est indépendant, au final. Donc voilà, donc c'est une partie de la réponse quand même, c'est que l'autorité étant distribuée dans toute l'équipe, eh ben il y a plein de choses. Je vais quand même avec mon collègue Baptiste, on est deux à porter. Certains rôles, évidemment, qui ont un poids particulier dans l'organisation, mais il n'y a pas de logique où, il y a énormément d'aspects de la vie d'organisation qui avancent très bien sans nous. Mais reste la question du rythme, parce que la Minute Nature, c'est quand même vous toutes les semaines, alors même si vous avez des gens qui vous aident au montage, etc., il faut quand même tourner une séquence pour être mise en ligne toutes les semaines, ce qui est quand même un rythme soutenu. Oui, alors c'est vrai que j'évoquais cette diversification. Donc effectivement, en 2016, j'ai lancé une chaîne YouTube que j'ai appelée La Minute Nature, et avec l'idée d'en faire un rendez-vous régulier. Donc je me suis fixé ce but assez ambitieux que vous évoquiez, donc de publier une vidéo par semaine. Alors c'est des fois un peu la course, mais je trouve chouette parce que ça fait rendez-vous chaque mercredi. Ben oui, aujourd'hui, vous pourrez aller sur laminutenature.net, enfin sur la chaîne YouTube, quoi, et vous allez voir une nouvelle vidéo. Donc évidemment, c'est pas moi qui les monte. Évidemment, les images animalières, c'est pas moi qui les tourne, ça prend un temps fou. N'empêche qu'effectivement, oui, il faut avoir une vidéo chaque semaine. Donc voilà, ben, je m'accroche et puis jusqu'ici. Alors, c'était aussi une de mes interrogations, parce que du coup, même si, comme vous le disiez, chaque pôle est indépendant et gère des spécialités différentes, parmi toutes ces missions, parce que vous intervenez quand même sur certains de ces pôles, quels seraient vos préférés, si vous deviez choisir? Oui, alors je porte un rôle dans l'organisation Salamandre qui est important, qui est le rôle d'ambassadeur, que je suis en train d'incarner maintenant dans la discussion avec vous. Donc c'est vrai que je me retrouve de plus en plus... là, pour vous dire, c'est 2-3 derniers mois qu'on fait, cette année les 40 ans de la Salamandre, comme vous l'évoquiez. Ben, je pense que j'ai dû faire entre la Suisse et la France en 2 mois, peut-être quasiment une vingtaine d'émissions de radio. Donc, pour donner un exemple, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et en même temps, moi, je trouve que c'est chouette de chaque fois que j'ai un créneau justement pour transmettre un petit bout de nos valeurs, je trouve qu'il faut y aller, qu'il faut le faire, que c'est super important, quoi. Donc, c'est un peu le chemin que je suis en train de prendre, de consacrer de plus en plus de temps justement, je dirais comme ambassadeur de nos valeurs et de tout ce qu'on transmet comme amour, comme respect de la nature, à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur YouTube, à travers notre festival, etc., pour donner des conférences aussi. Donc c'est l'un de vos rôles principaux. Mais est-ce que vous préférez pas, par exemple, aller filmer pour les Minutes Nature seul au calme dehors, par exemple? Alors c'est fondamental. Le contact direct avec la nature, c'est vraiment la source. C'est plus que la source d'inspiration. C'est aussi la source d'énergie et de courage. Parce que c'est vrai qu'en 2023, on vient de montrer en 40 ans de Salamandre, ben, on peut pas dire qu'on a sauvé le monde. Hein. Je pensais bien que tout seul, on n'y arriverait pas. Mais il se trouve qu'on est très nombreux dans le monde entier à nous battre pour restaurer un mode de vie qui soit vraiment respectueux de notre environnement, de nos cousins et cousines vivants, arbres, oiseaux, insectes, etc. Et on voit que c'est difficile, on voit qu'il y a des beaux succès, mais que globalement, le rouleau compresseur de la destruction, qui est encore accentué par des dérèglements climatiques, il est terriblement violent. Donc justement, pour moi, aller dans la nature, c'est la source d'inspiration, mais c'est aussi la source d'énergie, de courage, d'énergie positive. C'est très, très important. On vous laisse profiter de la ZIC, les doigts de pied en éventail, comme une salamandre dans le sous-bois. Ne bougez pas, on vient tout de suite sur Campus. Today. I feel like pleasing you more than before. Today, I know what I wanna do, but I don't know what for. Can't believe in you. So full of love, like a bird to C'était Today de Martha and Tricky. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pi. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mon micro de Suisse Julien Perrault, le créateur de la revue La Salamandre. Il nous parle des 40 ans d'existence du magazine ainsi que de son engagement et du travail mené par son équipe. Je voulais évoquer ça avec vous dans une vidéo qui est sortie en avril 2022 sur la chaîne de Partager c'est sympa. Vous évoquez ensemble le militantisme écologiste. Est-ce que l'inaction des politiques, qui est manifeste, ne vous a jamais poussé à vouloir vous radicaliser, comme le font aujourd'hui certains scientifiques qui sont désespérés et qui perdent patience de ne pas être écoutés? Ouais, difficile question. Je sais, je me la pose aussi. Ça m'a vu dans tous les sens. Alors déjà en Suisse, plusieurs fois on m'a proposé de m'engager politiquement, et puis j'ai refusé parce que je crois que simplement que je ne saurais pas faire. Je pense quand même qu'en 40 ans de Salamandre, on a, je dis on parce que donc vous avez bien compris, ça fait longtemps que je suis pas tout seul, on a développé une bonne expérience, une bonne expertise dans ce qu'on fait de sensibilisation. Mais après, en gros, moi, je pèterais un boulon très vite, quoi, parce que de se retrouver en face de gens qui sont de mauvaise foi et qui défendent des choses qui ont aucun sens. Et je connais beaucoup de gens qui s'investissent en politique sur ce front-là et c'est très, très, très, très dur. J'ai beaucoup de respect pour eux. Donc ça, je ne saurais pas faire, ou je ne supporterais pas. Et, enfin, en tout cas, je me dis qu'aujourd'hui, voilà, là où je suis plus efficace, c'est dans ce qu'on fait à Salamandre. Déjà, première partie de la réponse. Et puis après, la Salamandre devrait se radicaliser, c'est-à-dire voilà, être beaucoup plus offensive, beaucoup plus militante, etc. On en discute. En même temps, on a l'impression qu'on a aussi un rôle à jouer. Comment je peux vous expliquer ça? Je pense qu'il n'y a encore pas si longtemps, vraiment, moi, enfin, une de mes grandes motivations, c'était de me dire, voilà, il faut qu'on prenne soin des papillons, il faut qu'on prenne soin des pigrièges, des hirondelles. Et c'est toujours vrai. Et en même temps, je me dis qu'aujourd'hui, justement, il y a un tel marasme planétaire que ça provoque tellement de dommages psychologiques qu'on doit aussi prendre soin des humains qui sont sortis du déni. Et d'une certaine manière, de présenter la vie qui résiste encore autour de nous, c'est aussi une manière de prendre soin des humains qui souffrent de cette situation, en leur montrant qu'il y a des belles choses, que justement, on peut aller en forêt, on peut aller découvrir les arbres, que ces arbres, ils ont des choses à nous raconter, qu'ils font vivre plein d'autres organismes, qu'il y a un cycle là qui est fabuleux, qui est précieux, dont il faut prendre soin. Après, voilà, on peut dire oui, c'est catastrophique la gestion de la forêt aujourd'hui, mais je crois aussi qu'on saurait moins bien le faire que, bah, vous évoquiez, partager, c'est sympa, Vincent Verza, il fait ça très très bien dans ses vidéos. Si je faisais la même chose que lui, bah, déjà, ça n'aurait pas de sens parce qu'il le fait déjà, et sûrement qu'il le fait mieux que moi, voyez. Donc, je crois que c'est à chacun son chemin. Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin, pour mon équilibre personnel, de maintenir un cap positif. Et je pense en fait que les gens aujourd'hui ont aussi besoin de ça. Complètement. Et je pense aussi que c'est peut-être plus unificateur, parce qu'en effet, il y a plein de choses qui peuvent très justement mettre en colère quand on voit l'actualité. Mais comme vous le disiez, vous êtes quand même nombreux. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés à toutes les revues, mais ça fait quand même beaucoup de gens qui sont sensibles au beau et qui, à mon avis, y tiennent. Donc c'est pas une action, c'est pas un coup dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que si tous ces gens sont sensibles à la beauté du monde, on peut penser qu'ils feront ce qu'ils peuvent pour le protéger. Et justement, vous l'évoquiez que, voilà, en Suisse, vous aviez été démarché pour des actions politiques. Alors, vu que vous êtes suisse, justement, mais que vous travaillez aussi régulièrement avec des collaborateurs français, est-ce que vous sentez des différences notables entre les deux pays, que ce soit au niveau de la perception du monde vivant, de la cohabitation avec lui, ou plus généralement de sa réglementation? Est-ce que vous sentez des différences majeures entre les deux pays? Oui, c'est très différent. Beaucoup de choses très différentes. Et je trouve ça très intéressant, en fait, parce que c'est vrai qu'on partage la même langue entre la France et la partie francophone de la Suisse, et on se dit, bah, voilà, en gros, c'est la même culture. Et en fait, c'est pas la même culture. Et c'est aussi un défi pour une petite équipe comme la nôtre, justement, avec des gens qui sont à Toulouse, des gens qui sont à Neuchâtel. Voilà, les deux cultures. C'est un piège, en fait, que de se dire qu'on a la même culture, parce qu'on parle la même langue. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, dans le domaine de la biodiversité, oui, c'est différent. Déjà, le contexte est différent. La Suisse est un petit pays très peuplé. En gros, là où c'est plat, on a tout bousillé. Heureusement, on avait encore des belles montagnes. Et puis, on est des maniaques des rangements. Donc, dès qu'il y a un brin d'herbe qui dépasse, on a plutôt tendance à le couper. Relisez Astérix chez les Helvètes, si jamais. Et en France, bah, c'est un grand pays, donc il y a beaucoup de place. La destruction, elle est aussi très très forte. Mais en tout cas, quand on vient de Suisse, on se dit waouh, ils ont encore de la nature chez eux, quoi. Il reste encore des beaux bocages, il reste encore des grandes zones humides, il y a encore des grandes rivières comme l'Allier, comme la Loire, qui sont quasiment préservées. Donc c'est une autre échelle. Après, je dirais que historiquement, je pense qu'en Suisse, on est plus sensible aux enjeux environnementaux parce qu'on n'est pas que les Latins, mais qu'on est aussi avec des Suisses alémaniques, donc la mentalité germanique, enfin, c'est différent, quoi. Donc l'équilibre des différentes sensibilités du pays fait que globalement, on est, je pense, plus écolo en Suisse qu'en France, même si politiquement, justement, ça s'est beaucoup dégradé ces 15 dernières années, en fait, et qu'on a pris beaucoup de retard. Je pense qu'on avait des réglementations qui étaient vraiment en avance par rapport à l'Union européenne il y a 20 ans, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça s'est renversé malheureusement. Et puis après, voilà, il y a beaucoup de différences. Par exemple, il y a la question évidemment de la chasse. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que la chasse, c'est quelque chose de très identitaire. C'est associé à ce terme de ruralité qui est à la mode. Et puis, si on dénonce les excès de la chasse, on est tout de suite très très mal perçu. Et je pense que malheureusement en France, la manière dont la chasse est pratiquée est dramatique. C'est-à-dire que on chasse toutes sortes d'espèces qui sont en danger, qu'on chasse trop longtemps, que le monde de la chasse a une grosse responsabilité, par exemple, dans l'explosion de populations de sangliers. Puis après, on justifie, on dit qu'il faut des chasseurs parce qu'il faut réguler les sangliers, alors c'est un peu facile. Donc il y a cette notion de relâcher des bestioles qu'on va tirer une semaine après. Enfin, ça me paraît, sans parler de la chasse à court, enfin, pour moi, c'est encore très moyenâgeux, je dirais. Ou la chasse sous terre, pour les blaireaux. Voilà, évidemment. Sans parler, évidemment, du piégeage, etc. Alors, en Suisse, là, c'est beaucoup plus réglementé, je dirais beaucoup plus raisonnablement réglementé. Il y a beaucoup moins de chasseurs, c'est un lobby qui est beaucoup moins puissant. Après, il y a quand même aussi des braconniers. Il y a quand même régulièrement, par exemple, des lynx qui se font flinguer, ce qui n'est pas chouette. Il y a aussi des abus. Mais je dirais que j'ai l'impression qu'en France, la nature est presque confisquée par les chasseurs. Que ça devient, c'est même un enjeu de santé publique parce que c'est dangereux de se promener en forêt quand même pendant une bonne partie de l'année parce qu'on n'a pas envie de se faire flinguer par des chasseurs. Donc ça, c'est vrai qu'en Suisse, c'est inimaginable. Donc voilà, il y a des différences comme ça. Donc voilà, puis après, au niveau de la réglementation, il y a des trucs qui sont, je pense, mieux réglementés en Suisse, il y a des trucs qui sont mieux réglementés en France, et c'est différent. Mais finalement, c'est les mêmes chevreuils, c'est les mêmes grenouilles, donc c'est le même enjeu, quoi. Complètement. Les menaces pèsent pareil des deux côtés de la frontière, même si, bon... Oui, absolument. Si on revient un tout petit peu sur les revues auxquelles vous participez toujours, donc en signant bien sûr l'édito, mais certains articles et dossiers, je voulais savoir un petit peu combien de temps vous mettez pour boucler un numéro avec votre équipe, et si vous travaillez sur plusieurs sujets en parallèle. Oui, alors il faut expliquer, je l'ai pas dit très clairement, qu'aujourd'hui donc, on produit trois revues, trois magazines nature. Donc, il y a la revue Salamandre, qui est le magazine pour les adultes, qui est l'héritier du petit journal des débuts, dont on fête le 40e anniversaire cette année. Donc, il paraît tous les deux mois et qui présente sur 68 pages l'enchantement du monde vivant qu'on peut découvrir autour de chez soi, puisque la nature, c'est pas que pour les enfants, je le répète chaque fois que je peux. Et puis, donc, parallèlement, il y a deux magazines pour les enfants. La petite Salamandre pour les enfants de 4 à 7 ans. Et la Salamandre Junior pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc il y a toute une gamme de trois titres. Et je précise aussi qu'on ne trouverait quasiment pas en kiosque. Donc si vous voulez découvrir nos trois revues, il faut venir voir sur notre site salamandre.org. Et j'espère que vous vous abonnerez à la revue pour les adultes et que vous abonnerez tous vos neveux, nièces, cousins aux revues enfants. Voilà, c'est important de le dire parce qu'on vit vraiment nos abonnés. Il n'y a pas de publicité dans nos trois revues. Donc c'est vraiment aussi un modèle économique assez atypique dans le monde de la presse. Papier de haute qualité recyclé, pas de pub, quasiment pas de kiosque. Donc on vit vraiment de nos abonnés, ce qui nous donne une grande indépendance. Mais en même temps, voilà, il faut qu'il y ait des nouveaux abonnés qui arrivent. Donc ça, c'est important. Donc j'ai pas répondu à votre question, mais j'ai juste planté le décor. Pas de souci. Et pour répondre à la question, bien sûr, alors moi je participe plus à la rédaction de la revue Salamandre pour les adultes. Ce qui a une particularité, c'est que dans chaque numéro, il y a un dossier qui est quand même bien détaillé, parce qu'il y a, 26 pages sur un sujet, et ces dossiers sont toujours planifiés très en amont parce qu'en fait, on doit jouer avec les saisons. Imaginez si je vous mijote un dossier de 26 pages, je pense, sur les hirondelles, par exemple. Bon, logiquement, je vais le faire paraître en avril quand les hirondelles rentrent d'Afrique. Donc, je vais l'écrire en janvier-février. Et en janvier-février, si je veux voir les hirondelles, il faut aller au Sénégal. Donc, c'est pas très pratique. Donc, en fait, si j'ai un reportage à faire, ou je veux mandater un dessinateur, etc., il faut que je m'y prenne en tout cas une année à l'avance. Donc, les dossiers de la revue Salamandre sont planifiés idéalement un an et demi à l'avance, pour qu'on ait le temps de mettre ça en place. Ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les autres rubriques, hein, pour vous donner une idée. Donc, on travaille constamment à la fois sur le numéro, le prochain numéro qui va paraître, et sur le numéro de dans une année. D'accord. Au niveau des gros dossiers principalement, parce que c'est ceux qui demandent le plus d'investissement. Voilà, exactement, oui. Et justement, du coup, le dernier numéro là, qui vient de sortir pour juin-juillet, qui est consacré en partie à la Rosalie des Alpes et à ses cousins coléoptères, les longicornes, vient de sortir. Au dos, on voit déjà le sujet du prochain, qui sera consacré aux dauphins. Je me demandais comment est-ce que vous faisiez pour choisir les sujets que vous vouliez aborder. Alors bien sûr, il y a la question des saisons, mais j'imagine qu'au sein de l'équipe, il faut que chacun défende un peu son petit préféré. Alors c'est sûr que si je dois mijoter un dossier sur un sujet vraiment que j'aime, le lecteur va le sentir. Donc c'est ça qui est bien dans un modèle en gouvernance partagée, c'est qu'il y a de la place pour les projets de chacun. Après, il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que comme on paraît quand même que tous les deux mois avec un abonnement, a priori une année, c'est que 6 numéros, c'est bien que dans les 6 numéros, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc on alterne, alors effectivement on tient compte des saisons, vous l'avez dit, et puis on alterne des sujets, de temps en temps il y a l'oiseau, de temps en temps il y a un sujet plus sur des plantes, de temps en temps il y a des insectes, comme le numéro de juin-juillet, ou un sujet sur un mammifère, comme le dauphin bientôt. Donc on alterne un petit peu les différents groupes. Et puis après, on alterne aussi, les sujets immédiatement fédérateurs. Voilà, si je vous dis justement le dauphin, si je vous dis le cerf, si je vous dis le lynx, alors, tout le monde, waouh. Et puis, c'est bien aussi d'avoir des trucs, de temps en temps, de faire un dossier sur les tardigrades, sur les lichens, sur les coléoptères qui mangent le bois, qui sont des sujets tout aussi intéressants. Puis là, le challenge est un peu différent, c'est justement de trouver un angle pour que ça passionne tout autant les gens, même si a priori ça ne les passionnait pas. Donc voilà, il y a toute une alchimie à faire. Puis après, il y a les autres rubriques, les équilibres, qui font que dans chaque numéro, quand même, il y a des oiseaux, il y a des mammifères, il y a des botaniques. Enfin, on équilibre vraiment les sujets aussi au sein des numéros. Parce que oui, donc chaque revue adulte en général fait un peu plus de 60 pages, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui. C'est quand même un beau magazine. Moi, j'avoue, les rubriques, je crois, qui me touchent le plus, et ce qui m'a immédiatement plu dans la Salamandre, c'est un parti pris qu'on ne trouve pas tant que ça dans la presse aujourd'hui, c'est que vous laissez une large place aux artistes naturalistes, qu'ils soient aquarellistes, graveurs, sculpteurs. À chaque fois, les dossiers sont illustrés, mais vous aviez même organisé une résidence pour le numéro 248, les 35 ans de la Salamandre. Et je me demandais d'où ça vous venait, cette idée, qui est quand même originale, ce parti pris, pour faire cohabiter ainsi la science avec l'art dans vos pages. Pour moi, c'est évident, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas que les gens sachent le nom de tous les papillons. L'objectif, c'est que les gens soient conscients du miracle que c'est d'un papillon et que ça les motive, par exemple, dans leur jardin, à arrêter de tondre une partie de leur gazon. Vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, bien sûr, on transmet beaucoup, beaucoup de connaissances, mais au fond, les émotions, le vécu, les histoires qu'on raconte, c'est tout aussi important. Et dans ce contexte-là, le dessin naturaliste en particulier, c'est quelque chose de très précieux, je trouve, parce qu'on vit dans un monde où on est submergé de photos, de vidéos. Et en fait, le dessin, c'est quelque chose, on est dans un autre rythme. Ça prend beaucoup de temps, il faut s'asseoir. Bon, déjà, d'atteindre l'animal, ça prend du temps. Mais après, c'est pas juste qu'il claque, c'est juste que chaque trait, chaque nuance de couleur aura été transposée par une sensibilité. Et ça, c'est cadeau. Et je pense que ça fait du bien justement de se reconnecter à ce temps le plus long, plus lent. Et c'est vrai que dès le début de la Salamandre, j'ai connu enfant, j'ai eu la chance de connaître Robert Reynard, qui était un immense naturaliste et peintre animalier, qui est un peu moins connu en France malheureusement, mais qui a eu beaucoup de disciples. Et maintenant, dans les deux pays, il y a un cercle précieux hein, de peintres, de graveurs et de animaliers, et on a aussi envie de soutenir leur travail et de valoriser leur démarche. Donc oui, il y a beaucoup d'aquarelles, de croquis, de dessins dans la revue Salamandre, et on y tient. Et depuis longtemps, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, depuis le début de la revue, j'ai refeuilleté d'anciens numéros, vous aviez, même si c'était plus petit, un focus où il y avait une œuvre d'art. J'ai vu qu'il y avait un numéro où il y avait le dessinateur de bande dessinée Derib, oui, qui avait mis une peinture, etc. Voilà, c'était toujours le focus sur un artiste, une œuvre, depuis le début. Absolument, ouais. Ça fait partie de notre ADN, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Et bah, vous faites bien. Est-ce qu'il y a un animal, une plante, un sujet que vous n'avez pas encore abordé que vous brûlez de mettre en avant dans la salamandre? Non, mais il y en a plein. C'est génial. Il y en a plein. Donc, en décembre, par exemple, ça va être cool. On va faire un numéro sur les sapins. Vous voyez, les sapins de Noël. C'est des arbres magnifiques. Déjà, il y a des gens mélangent les différentes sortes de sapins. Ils ont un mode de vie très particulier avec ces feuilles qui ne tombent pas en hiver. Ils vivent maintenant une situation délicate avec justement le dérèglement climatique. Il y a tout un folklore autour des sapins de Noël. Donc, ça va être un super sujet, par exemple. En fait, tous les sujets, en février-mars, ce sera le Grand-Duc. On n'a jamais fait de dossier sur le Grand-Duc, c'est un oiseau incroyable, mais qui se porte mieux. On peut dire qu'il est de retour. Donc ça, c'est super, super, super réjouissant. Donc, je crois que, en fait, puis même quand on traite d'un sujet dont on a déjà traité 10 ans avant, le contexte change, l'actualité change, et puis c'est trop bien de le réexplorer, quoi. Donc, c'est ça qui est beau dans la nature, c'est qu'on va se balader 1 heure en forêt, puis on a des sujets pour 10 ans, quoi. On a toujours des choses différentes. Et à chaque fois aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, à chaque fois, souvent dans vos dossiers, vous faites aussi appel à des spécialistes, des scientifiques, des naturalistes de terrain. Bien sûr, alors oui, évidemment, on a tout un réseau, on développe tout un réseau en fonction des sujets, ça c'est clair. Et c'était une autre de mes questions, parce que des fois, c'est vrai que vous explorez des sujets qui sont peu traités, hein, même par les chercheurs, parce que ce sont des animaux ou des plantes qui sont difficiles à étudier. Comment est-ce que vous faites pour trouver ces intervenants? On cherche. C'est quand même plus facile aujourd'hui qu'Internet de trouver des gens sur toutes sortes de sujets. Et puis après, on a un réseau qu'on développe constamment. Et puis, en fait, on se rend compte que sur n'importe quel organisme, il y a plein de choses à raconter. Après, c'est vrai que la tradition naturaliste, en tout cas dans les universités, elle a plutôt reculé, hein, ces 20 ou 30 dernières années. Donc, on se retrouve dans une situation paradoxale où la biodiversité s'effondre. Et en fait, l'expertise de constater que la biodiversité s'effondre elle aussi. Donc, sur beaucoup de sujets, c'est des vieux monsieur, des vieilles dames qui nous racontent des trucs incroyables. Puis, en fait, on réalise que le jour où ils ne seront plus là, on aura perdu tout un pan de savoir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est préoccupant aujourd'hui, je trouve aussi. Et pour tirer quand même le bilan de cette aventure de 40 ans, quand même, si vous deviez faire un petit bilan, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Et est-ce que vous avez vraiment des choses qui vous remplissent de joie, que vous n'auriez pas imaginé il y a 40 ans et que vous avez accompli aujourd'hui? Bon, faire différemment avec... je ne trouve pas hyper intéressant d'explorer cette question parce que ça s'est fait comme ça s'est fait et puis voilà quoi. Et puis, comme tout le monde, moi je suis un humain, voilà, il y a des trucs, je pense que j'ai bien géré, écoute, j'ai moins bien géré, voilà, c'est la vie, hein. Après, sur, moi je suis très surpris en fait de voir que ça existe toujours, parce que c'était pas du tout prémédité dans ma tête de gamin, que ça serait mon métier, qu'on serait toute une équipe, qu'on aurait quand même un. Nous, c'est vraiment notre idée, voilà, on essaie d'avoir un impact quand même positif, significatif sur la société. Et je pense que c'est le cas parce qu'on sensibilise des centaines de milliers de gens aujourd'hui à travers toutes nos productions. Parce que les 3 revues additionnées, ça fait 80 000 abonnés, les livres, on en vend beaucoup. Et puis après, il y a tout le rayonnement, je dirais, par les canaux digitaux. En Suisse, je présente aussi une série de télévision, qui a beaucoup de retentissement. Tout ça ça me fait plaisir de voir tout ça. Après, je mets en perspective avec le monde qui nous entoure, je me dis, mon Dieu, on devrait toucher encore 10 fois plus de gens en Suisse et en France pour que ça bouge, quoi. Mais heureusement, on n'est pas tout seul sur ce combat. Et pour conclure, quels sont vos projets pour la salamandre à l'avenir? Si on se tourne vers le futur, est-ce qu'il y a des projets, des formats que vous n'avez jamais expérimentés, que vous avez envie de tenter? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Alors, on a lancé l'année passée, une plateforme de documentaire animalier, salamandre.tv. Donc pour mettre en avant aussi beaucoup le travail de réalisateurs indépendants et pour offrir aussi une visibilité à des formats vidéo, pas forcément préformatés télévision. Donc ça, voilà, c'est en démarrage. Je vous invite à aller découvrir cette offre. Pour la suite, je dirais que un projet personnel que j'ai, c'est justement de faire évoluer cette chaîne YouTube que vous mentionniez avant, la Minute Nature, où je pense que voilà, je le fais vraiment un peu. Je suis pas YouTubeur professionnel, hein, et je me dis aujourd'hui que pour que ça ait encore plus d'impact, justement, j'ai envie de voilà, de me former et de d'améliorer tant sur la forme, sur l'habillage, que sur le fond, ce projet-là, parce que je pense qu'il y a encore bien plus de potentiel qu'il en a aujourd'hui. Puis c'est un projet qui, alors je sais pas combien il y a d'abonnés, mais moi je sais que souvent quand je parle de la salamandre, il y a beaucoup de gens d'âges très différents qui connaissent la Minute Nature. Donc, Oui, bah ces vidéos, elles sont vues chaque semaine, 20, 30, 40 000 fois quand même. Donc, quand même, ouais. Donc oui, il y a une belle audience. Et ça touche, j'ai l'impression, des âges très différents. Même des gens qui sont pas forcément le public YouTube premier regardent la Minute Nature. Eh bah tant mieux. Et ben c'est le mieux qu'on puisse vous souhaiter en tout cas. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à mes questions. Encore un bel anniversaire à la salamandre et on vous souhaite plein d'autres bougies à souffler, bien sûr. Merci à vous aussi. On finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller quelques ouvrages. Comme le travail des Blaschka est avant tout un festin pour les yeux, je vous glisse quelques vidéos en lien avec cette émission pour que vous vous fassiez une idée. Niveau documentation en français, c'est malheureusement un peu maigre. Un livret de 16 pages intitulé « D'après nature, forme de Haeckel et modèle en verre des Blaschka » est paru dans la collection des cabinets de l'amateur, édité par les musées de Strasbourg. Il y a très peu de texte et vous pouvez contempler côte à côte sur fond noir les dessins du scientifique allemand et les modèles en verre du duo père-fils. Mais réjouissez-vous! Même si le musée d'histoire naturelle de Strasbourg est actuellement fermé pour rénovation, sachez qu'il héberge plusieurs pièces en verre des Blaschka que je vous invite à aller contempler dès sa réouverture. Si vous restez sur votre faim et si vous lisez l'anglais, je vous recommande deux ouvrages complémentaires. Le premier s'intitule « A Sea of Glass », Une mer de verre, un livre de 217 pages écrit par Drew Harvell et paru aux éditions de l'Université de Californie. Drew Harvell est professeur d'écologie marine à l'Université Cornell et la conservatrice de la collection d'invertébrés marins des Blaschka acquise par l'université. Dans ce livre, elle utilise les modèles en verre pour vous parler de la biologie et du comportement passionnant des animaux qui les ont inspirés. Un ouvrage parfait pour tous les amoureux d'expériences transdisciplinaires entre art et science. Le deuxième livre s'intitule Glass Flowers, écrit par un collectif d'auteurs rattaché à l'Université d'Harvard. Le livre est publié par le musée d'Harvard, justement. Cet ouvrage de 145 pages comporte moins de texte que A Sea of Glass, pour laisser toute la place à des photographies pleines pages de Natalia Kent qui rendent hommage à la subtilité des modèles en verre botanique, conçus en exclusivité par le binôme. Les images sont absolument sidérantes et il est impossible sans explication de deviner que ces objets sont en verre. Les couleurs, les détails des étamines, des grains de pollen, rien ne laisse suggérer qu'ils sont fabriqués, surtout dans un matériel qui, rappelons-le, est rigide une fois refroidi. C'est un trésor incroyable et je ne peux que vous pousser à aller regarder ça de plus près. Enfin, je ne peux que vous encourager chaudement à aller visiter le site internet de la Salamandre, salamandre.org, pour découvrir leurs articles mais aussi leurs productions de revues, beaux livres, essais, guides de terrain qui sont tous utiles et très beaux. Bref, il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, je ne le découvre que maintenant et après la rédaction de ma chronique, mais en 2010, l'équipe de la Salamandre avait même consacré un article au Blaschka, dans le numéro 201 du magazine. Pour célébrer leur 40e anniversaire, je vous invite tout spécialement à dévorer leur numéro 275, dont le dossier principal met en avant les différentes interactions positives au sein du vivant. Symbiose et entraide y jouent des rôles cruciaux. La revue revient aussi sur les étapes de création et de développement de la salamandre. Le tout est toujours superbement illustré avec notamment plusieurs pages qui mettent en avant les peintures forestières de Christophe Ponce-Capitaine. Un autre de mes favoris est le numéro 248 que l'on évoque dans l'interview et qui est sorti pour les 35 ans de la revue. Il est constitué d'un superbe dossier sur leur amphibien mascotte, illustré par Marcello Pettineo, et vous pouvez retrouver les dessins, sculptures et gravures ainsi que les portraits des 9 artistes en résidence qui ont prêté leurs pinceaux au discret petit animal.